Charline Cédredi, mais c'est pas fini pour vous. Ah, non, non, nous on est là jusqu'à 18h. 18h. Bon pied, bon oeil. Chaud comme des gaufres. Oh là là. Mais encore, mais toute la semaine. Il n'y a pas un jour où on n'est pas chaud, si vous voulez. Ouais. C'est un problème, hein. C'est... Ouais, mais je me dis. Mais bon. Allez. Bon courage et bonne chance. Avant le week-end. Merci Laetitia Gaillet. Bon week-end à vous. Ouais. Et puis pour ceux qui sont dans la voiture, ou déjà rentrés, ou à la campagne, je ne sais. Écoutez comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Alors aujourd'hui, nous allons parler de théâtre. Oh, j'adore le vaudeville, les parties claques, Jacqueline Maillot. Non, non, non, c'est pas ça, on va parler de Shakespeare. Bah, c'est pas pareil. Ah, ouais. Il y a des passages hilarants dans Richard III. Ouais, tu dois confondre avec Richard et ses trois colocs à la montagne. Oui, alors, hein. Super pièce, ouais. Avec Georges Belair et Marc Mercadier. Écoute, de toute façon, quoi. Gérard Mordillat ne vient pas pour Richard III, hein, il vient pour Hamlet. Être ou ne pas être. Waouh. Ouais, bah, on est surpris. Ah, ouais. Oh, les filles, je suis cultivée quand même, ça se voit. Oui, complètement. T'as lu Hamlet, donc. Non, j'ai pas lu Hamlet, non. Bah, comment tu connais cette réplique? C'est parce que j'avais été à la Michaudière voir Naître ou ne pas naître, super pièce sur les maternités. Ouais, c'était avec Gérard Hernandez. Non, je l'ai vu avec Guy Montagnier, mais c'était vachement bien. Ouais, bon, Alex, quoi, ça va pas être possible. Bah, quoi? Non, parce que quand on parlera théâtre, ouais, faut surtout pas que tu interviennes. Bah, oui, tu regarderas si les gens réagissent sur Twitter. Voilà. Mais pourquoi? Bah, parce que voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est l'élitisme qui conchit le populaire. Mais voilà. Non. Oui, Shakespeare, Racine, Rostand, ils sont la carte. Sûr. Mais quand Olivier Lejeune remplit des salles, là, c'est de la sous-culture. Mais non. Laisse-moi te dire que la version Phèdre ne suce pas que de la glace avec Bernard. On y rit beaucoup plus que dans le chef-d'œuvre de Racine. Allez, salut! Et voilà, allez, reviens! Alors, vous m'avez trouvé comment la sortie? La porte qui claque, c'était ah bien? Ah, bah, il y avait une Michelin Dax dedans. Hein, génial, sûr. J'adore. Ciel! La France Inter! C'est mon amant est dans le placard! Bonjour à tous! Vous écoutez l'émission qui retapisse l'actualité et voici les trois informations qui vont finir en motif à fleurs jusqu'à 18h. Jean-Luc Mélenchon a décidé de partir en solo à la présidentielle et cette semaine, il fait un peu exploser encore plus le front de gauche en disant que ça n'est jamais qu'un cartel de parti. Mais que se passe-t-il dans la tête de Méluche? Être ou ne pas être. Ne pas être. Ne finit-on pas par regretter la file au guichet, parce que c'est quand même plus fun que la hotline qui dure presque aussi longtemps. Et demain, on finira par parler à son GPS, si ce n'est l'inverse. La boule à poil, sur le levier de vitesse. C'est kitsch et mort. Ceux qui nous racontent l'histoire à la télévision se mettent au one man pour parler d'histoire autrement, version stand-up. Ne rajoutez pas du texte, les enfants, mais c'est une adaptation d'Alain Decaux que j'ai adapté moi-même, enfin. Alors si vous l'adaptez à votre tour, qu'est-ce que ça va devenir? N'importe quoi, du Jean-Paul Good. Et moi, je suis accompagnée de celui qui a le moins coiffeur que Stéphane Bern. C'est Alex Vizorek. On l'a déjà dit, je sens que c'est un compliment. Bonjour à tous, et je vous présente l'équipe autour de la table à 17h20. Elle choisit les médicaments comme elle choisit les disques. Pas de grandes marques, que des génériques et des solutions alternatives. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Exactement, aujourd'hui, en plus, c'est le ying et le yang, deux producteurs, un noir, un blanc, un vivant, un mort, tous les deux 90 ans et des légendes. Très bien, à 17h30, la bébé Bikila de la chronique sportive, c'est un marathonien, mais quand on le voit, tout cela semble si facile. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour à tous. Bah, écoutez, moi je suis un peu embêté parce que j'ai pas eu le temps de vous faire une chronique sportive. Ah. Je suis tombé en pamoison devant le portrait de monsieur Emmanuel Macron, donc bah, j'ai préféré vous parler de l'Express Nouvelle Formule. Mais comment vous comprenez? Charline Bouguin, bien évidemment. Ah, 17h40, il sait tout ou presque. En tout cas, il sait pas mal de choses que je ne savais pas. Mais c'est pas sa meilleure référence. Bonjour, Marius Colucci. Eh oui, bonjour. En hommage à notre invité, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de Jésus. Ah, voilà, qui rappelle un sujet intemporel. Passionné. 17h55, enfin. Quand lui entrera dans ce studio avec sa guitare, il me fera penser à Rita Hayworth dans Gilda. Sauf que Rita Hayworth avait une voix un brin plus masculine que lui. C'est Frédéric Fromet qui viendra tout à l'heure chanter. Et le référent de la République qui préside cette émission est né sous Vincent Auriol. Vous publiez votre premier roman Vive la sociale en 81 quand les communistes entrent pour la première fois au gouvernement. Votre série documentaire Corpus Christi, diffusée sur Arte démarre en 97, quand la Russie intègre le G7, qui devient donc le G8. Et vous figurez sur la liste du Front de Gauche aux élections européennes en 2009, quand Barack Obama devient président des États-Unis. Mais qui êtes-vous donc ? Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Gérard Mordilla, et je suis là pour la première fois sous un gouvernement de droite. Le Gérard Mordilla sous gouvernement de droite, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Gérard Mordilla, je vous sens chaud, aussi chaud que nous pour parler politique, mais avant, on va parler de votre dernier ouvrage, Hamlet le vrai, d'après une œuvre retrouvée de William Shakespeare. C'est paru chez Grasset. Alors, vous racontez telle une énigme historique, voire un peu un polar, mais bon, il y a un lien entre les deux. Votre découverte, celle d'un manuscrit de Hamlet, une version antérieure à la plus ancienne que nous ayons connue jusqu'alors. Est-ce le Hamlet primitif ? Ça, la question reste en suspens, puisque on apprend avec vous qu'au départ, c'est une pièce de Thomas Kyd. Absolument. Dans laquelle a joué Shakespeare et qu'il a retravaillé entièrement pour devenir Hamlet, le vrai qu'on a dans la main. Bah oui, parce que Shakespeare d'abord gardait les chevaux devant le théâtre, puis enfin il a un rôle, et son premier rôle, d'après les chroniques, aurait été dans le Hamlet de Thomas Kyd. Et là, on avait les rôles à cette époque-là sur des rouleaux. Le mot vient de là, role en anglais, c'est comme ça qu'on a des rôles. Et il semble que Shakespeare, au lieu de garder seulement le sien, ait compilé tous les rôles, et puis plus tard, quand lui-même est devenu directeur de théâtre, directeur de troupe et tout ça, a fait une nouvelle version de Hamlet, la sienne, à partir du travail de Thomas Kyd. Et comme il était directeur de troupe, eh bien, il a distribué des rôles à droite, à gauche, etc., pour que tout le monde ait quelque chose à faire. Alors, je vais lire un extrait de Hamlet le vrai, c'est-à-dire... Alors, il y a le texte dans l'ouvrage, et puis il y a tout un... C'est en deux parties, il y a toute l'explication de votre découverte. Il y a la recherche, oui. Il y a toute la recherche qui est expliquée. Donc, on peut supposer qu'au départ, dites-vous, l'idée était simplement de reprendre la pièce de Kyd en la mettant au goût du jour, mais répétition après répétition, les uns se plaignant de n'avoir rien à faire, les autres que leur rôle était trop maigre ou trop mauvais, voire qu'ils menaçaient de changer de troupe pour être employés à leur juste valeur chez les concurrents. Shakespeare rajouta toute une théorie de scène qui ne servait en rien l'action et ne faisait que la diluer. Sa pièce enfla, jusqu'à devenir le monstre scénique qu'elle est aujourd'hui. C'est là sa faiblesse et sa force. Donc cette découverte explique des choses au-delà de la découverte, c'est vraiment, explique la pièce, tout simplement. La pièce, moi j'ai tenté de retrouver ce qui était la chose initiale. Et donc la chose initiale se tenait en peu de personnages, une dizaine, pas plus. Il n'y avait pas Rosencrantz et Guildenstern, là on voit bien deux acteurs réclamant des rôles. Il n'y avait pas celui qui organise le duel de Laërte et d'Hamlet, qui était l'acteur comique de Shakespeare, donc il fallait lui donner quelque chose, parce qu'il y avait toujours un passage comique dans les pièces, donc il fallait lui donner quelque chose, enfin, etc., etc. Et est-ce que Hamlet meurt dans la version originelle ou pas ? Non, dans la version primitive, voilà, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, mais non, au contraire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, on est troublé par les représentations d'Hamlet. D'abord parce que les acteurs qui jouent ces rôles, généralement, ont à peu près le double ou le triple de l'âge qu'il faudrait. Quand on voit Laurence Olivier qui s'éteint en blonde pour faire Jouvenceau, il a 50 ans. Hamlet, il a 18 ans. Ophélie, elle a 13, 14 ans, pas plus. Ce sont des jeunes gens. Et Gertrude, la mère d'Hamlet, c'est une jeune femme. Elle a 33, 34 ans. Elle a été mariée à 14 ans, à 15 ans. Et donc... il faut voir ça pour comprendre cette histoire. Ce ne sont pas des vieillards qui jouent à s'interroger. Puis lui, c'est le prince héritier. Donc, il peut faire ce qu'il veut, notamment choisir toutes les filles dont il a envie. Mais est-ce que la pièce Hamlet, en tant que telle, n'a pas été mangée par la postérité due à l'iconique scène où il parle, ce geste où on le voit parler à un crâne et avec cette phrase « être ou ne pas être » que tout le monde peut citer, et qui dans votre texte, c'est être ou ne pas être, ça c'est une question. Moi je préfère cette traduction-là. Ça c'est une question, parce que pour moi c'est pas la question d'Hamlet, être ou ne pas être. Pour moi la question d'Hamlet c'est qu'est-ce que la vérité ? C'est ça la vraie question d'Hamlet. Parce que Hamlet c'est quelqu'un qui refuse sans cesse la vérité. Il refuse d'abord d'admettre que son père n'est pas le vieil Hamlet, mais Claudius, son oncle, qui vit une histoire d'amour avec sa mère. Il refuse de reconnaître le tort qu'il a causé à Ophélie en la déflorant, et puis en l'abandonnant ensuite, comme il l'a déjà fait auprès de beaucoup d'autres. Il refuse de reconnaître qu'il a tué Polonius, le père d'Ophélie, dans un mouvement de colère, parce qu'il était jaloux, il pensait que sa mère cachait derrière sans doute son oncle. Il refuse sans cesse. Et donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité. C'est pour ça que, dans la version primitive, ça se terminait par cette phrase magnifique. Qu'est-ce que la vérité ? Et tout le texte reconstitué tourne autour de cette histoire. Cahuzac, il y a un côté Cahuzac. Si vous voulez lire, si vous voulez lire Hamlet le vrai, eh bien, il est disponible, hein, paru chez Grasset, Gérard Mordilla, qui explique aussi toute la découverte, la recherche, l'histoire de la pièce. Et d'ailleurs, moi, ce qui je trouve aussi passionnant, c'est qu'à l'heure où la technologie la plus pointue permet d'expliquer l'histoire la plus reculée, le hasard, c'est quand vous travaillez sur Corpus Christi, voilà. Le hasard fait que, bim, vous tombez sur ce texte originel. Mais parce que nous sommes toujours des lecteurs distraits. Et soudain, lorsque on se met à lire vraiment un texte, que ce soit Shakespeare ou les textes du Nouveau Testament ou du Coran, eh bien, l'histoire remonte. Voilà. Hamlet le vrai, donc, d'après une œuvre retrouvée de William Shakespeare, Gérard Mordilla, paru chez Grasset. Gérard Mordilla qui est avec nous jusqu'à 18h. Chouette. On va parler de quoi ? De front de gauche, de la déshumanisation. Ou de pas des... Ben, exactement. That's the question. C'est le résumé de notre émission. Sur France Inter. That's the question. It's okay in a day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaking soul. He swims in my eyes by the bay. Pour myself over him. Moon spilling in. And I wake up alone. Bothers my heart. I'd rather be restless. Second I stop, the sleep catches up. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, Wake Up Alone, Amy Winehouse. Mais vous n'êtes pas alone. Nous sommes tous là, sur France Inter, avec Gérard Mordilla et... Et bien sûr, autour de la table, par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Samir Bouadi et Marius Colucci. Et puis toute une équipe, bien sûr, à la réalisation cette semaine, Lola Costantini, avec la préparation Nathalie Romero, Sarah Masson, et puis à la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Elisabeth Collet. Et avec toute cette équipe, Gérard Mordilla, nous allons faire un point information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Et par Nathalie Kosciusko-Morizet qui a annoncé son divorce dans le magazine Elle. Mais c'est pas comme ça qu'elle va trouver un nouveau Jules, hein. Personne lit ça, hein, les gars. Elle a dû l'annoncer dans Lui, avec petite séance photo. Oui, merci pour ça, voilà. Ça valait la peine. Et oui. Et à la fin de cette édition, nous parlerons de ce Belge qui s'est vu refuser de porter une passoire sur la tête pour sa photo d'identité. Formidable, ça me paraît du lourd ce journal. Je suppose qu'après il y aura des brèves, bien sûr. Ah bah, s'il y en a, il y en a. Bien sûr, mais voilà. On commence par cette information qui change le monde. Nathalie Kosciusko-Morizet qui a annoncé son divorce dans Elle. Oui, et du coup, on connaît sa chanson de campagne pour les primaires. Ne la laisse pas tomber. Et oui, ambiance. D'accord. Tellement bien sur Dalk. On reste chez les Républicains. Oui. Hier soir, Jean-François Copé a testé son slogan pour la primaire à droite. Slogan qu'il officialisera demain lors du lancement de sa campagne à Meaux. Ah, dites donc, Alex, non, là, c'est trop de suspense, allez-y, là. Alors, le slogan de Jeff, plus personne ne se tient, je vous le donne. On ne recule plus. Bien sûr. Évidemment, parce que si tu avances. Oui, évidemment. Sinon, évidemment. Non, mais bien sûr. Pas de problème, ça va nous faire le mois, voire l'année, hein, je pense. Allez, international. Oui, lors d'une interview radio, on a découvert que Donald Trump serait un théoricien du complot. Oui, les gens sont méchants. À dire que Donald Trump n'a aucune théorie. Ah, bah, s'il en a. Terrorisme. Oui, en Belgique, depuis les attentats de novembre, certains parents se sont rendus dans leur commune pour changer le prénom de leur fils. Ah bon ? Et comment il s'appelait ? Ils étaient 7 ou 8 à s'appeler Djihad. Ah oui. Aucun Français ne se prénomme Waterloo. Hein. C'est ça. Enfin, non, c'est surtout quand la maîtresse d'école va expliquer que le petit Djihad est un peu turbulent, ça n'étonnera personne. Télévision. Oui, nous n'en avions pas encore parlé, mais Charline, est-ce que vous connaissez le nom du nouveau patron de la chaîne Canal+ ? Non. Oui. Dites-le nous. On est impatients. Gérald Brice Viret. J'espère que vous ne direz plus jamais que Vincent Bolloré n'est pas drôle. Mais c'est Viré, Viré. Ah oui, bah oui, mais quand on a foutu tout le monde dehors, engagé un gars qui s'appelle Viré, moi je trouve ça très marrant, voilà. Culture. Oui, j'ai décelé une phrase dans une belle interview, phrase qui dit, ouvrez les guillemets, une des plus belles qualités de l'homme est son pouvoir d'imaginer de l'impossible. Ah, ça c'est beau comme du Marc Lévy. Eh ben, c'est du Marc Lévy. Justement. Sport, Raphaël Nadal va porter plainte contre Roselyne Bachelot. Oui, car dans le Grand 8, elle a laissé entendre avec certitude qu'il s'était dopé. Bah, qu'est-ce qu'elle en sait ? Bah, disons qu'en matière de seringue, petite expérience quand même. Hein. Il en reste d'ailleurs 7 millions sur les bras. Donc... Et venons-en, d'accord. À cette terrible affaire en Belgique. Oui, Alex. Charline, est-ce que vous connaissez le pastafarisme ? À vrai dire, pas très bien, Alex. Gérard Bordia, qui est fanatique de religion, connaît sans doute le pastafarisme, une région un peu spéciale avec un dieu un peu particulier, qui impose le port de la passoire dans des moments importants. Et donc un Wallon, un des 100 pastafaristes de Belgique, a fait la demande pour sa photo de carte d'identité et la radio belge Vivacité, donc l'équivalent de France Bleu, l'a appelé. Attention, ceci n'est pas un sketch. Certains pays ont dit oui à la photo avec passoire, la Belgique a donc dit non. En ligne, Victor Bonjean, bonjour. Oui, bonjour. Dans votre religion, qui a créé l'univers ? Qui a créé le monde ? C'est le monstre en spaghetti volant qui a créé le monde. Bah voilà. Alors évidemment, ça vous suscite un peu la religion. Bon alors, on peut se dire qu'on n'en fera pas une affaire d'État, mais attention, le journaliste est toujours au premier degré et pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Il est possible que je fasse une plainte auprès de la Commission européenne pour infraction à la Convention des droits de l'Européenne des droits de l'homme et éventuellement à l'ONU également. Ils vont être surpris, l'ONU, quand même, avoir relevé la photo avec la passoire sur la tête. Et parce qu'en Belgique, les journalistes ont un sens du détail. Dans cette interview qui dure 5 minutes, je vous la conseille dans son entièreté, il y avait une question qui m'a plu. C'était quel modèle de passoire que vous avez essayé de prendre en photographie, puisque la commune vous a refusé. C'était quel modèle de passoire ? Bah, c'est une passoire en plastique dans laquelle on égoutte les pâtes ou les légumes, oui. Vous voyez, sobre, plastique. On égoutte les pâtes, les pas les pâtes. Les pâtes, pas les pâtes. Vous voyez, bah, lui, il égoutte un peu les pâtes. Ouais. Il égoutte un peu les pâtes. Vive la Belgique. On va suivre cette affaire de près. Ça, je vais vous dire, si ça va à l'ONU, je suis de près. C'est voilà. À quoi sert l'ONU maintenant, voilà. Voilà, après ce journal d'information sur France Inter à 17h25, nous retrouvons Gérard Mordillat qui est avec nous pour Hamlet le Vrai, le livre paru chez Grasset. Vous avez donc retrouvé le manuscrit originel de Shakespeare pour Hamlet. Et moi, j'ai pas envie de vous demander où, parce que comme ça, les gens sont curieux et vont se procurer le livre publié chez Grasset avec le texte. Ou à moins que dans la presse, ça ne fleurisse, mais... Non, je pense que c'est bien de ne pas le dire. Ah, voilà. Un petit peu de mystère, mais c'est bien aussi. C'est la pièce de Thomas Kyd William Shakespeare. C'est une pièce qui a été écrite à quatre mains. De toute façon, les droits d'auteur, après 75 ans, c'est terminé. Bah, voilà, Allez, le premier sujet avec vous, Gérard Bordilla, sujet d'actualité. Jean-Luc Mélenchon est donc parti tout seul, vers 2017. Le Parti communiste lui dit « reviens », mais lui ne l'entend pas. Pour l'instant, en tout cas, que se passe-t-il au front de gauche, alors que le boulevard à gauche n'a jamais été aussi ouvert? Écoutons Jean-Luc Mélenchon quand il est calme. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail. Afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, vous m'avez ouvert les yeux. Alors regarde plutôt la route. Ça s'est un petit peu passé comme ça, non? Un extrait du Grand Détournement. Alors, Jean-Luc Mélenchon refuse l'idée d'une primaire à gauche, voilà pourquoi il a annoncé qu'il allait se porter candidat, c'est pas encore officiel si je ne me trompe, alors que les communistes, eux, sont d'accord pour y aller. Gérard Mordilla, vous qui avez été engagé au front de gauche, le boulevard à gauche n'a jamais été aussi large. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne vous dites pas d'une certaine manière quel gâchis? C'est le moment où on a une carte à jouer et on est dispersé. Oui, c'est tout le problème. C'est-à-dire que les appareils sont aujourd'hui dominants, que la bataille des égaux fait rage, alors que ce n'est pas ça du tout la question, puisqu'il faudrait au contraire s'allier et faire un seul mouvement, mais en même temps, faut pas se leurrer et se dire que seule l'élection présidentielle qui vient changera le monde. Mmh. Ça ne changera rien du tout. Moi, c'est pour ça que j'ai tout à fait confiance plutôt dans un mouvement populaire qui, au fond, emportera ça et qui, sur lequel sortira quelque chose de tout à fait nouveau, parce que on est dans une crise de régime totale, c'est-à-dire qu'on est clairement dans un régime post-démocratique et à mes yeux même post-républicain. Donc, il faut absolument en changer. Et comme ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, que sur le plan médiatique, ne remettront pas ce pouvoir au peuple, eh bien, il faudra bien le prendre. Alors, quand vous dites, je comprends, il n'y aura pas d'homme providentiel, il y aura un mouvement providentiel, ce mouvement, c'est une forme de révolution que vous appelez de vos voeux? Je crois que la France n'a pas besoin de réformes, mais qu'elle a besoin d'une révolution, oui, c'est évident. Déjà, une révolution des consciences, et puis ensuite, une révolution de ses structures. Et je ne vois pas comment nous ferons l'économie d'une séquence violente. Parce que c'est la gauche, hein, ça c'est la parce gauche, la vraie. Mais la violence qui s'exerce aujourd'hui contre les personnes, contre les syndicalistes, contre toute forme de protestation, etc., elle est stupéfiante. Elle est stupéfiante. Et quand j'entends M. Hollande, avec sa voix de bedeau, expliquer que les jeunes n'ont rien compris et que c'est pour leur bien qu'on va les mettre au chômage, c'est extraordinaire. Parce que Marius est là. Supposons que... Marius Colucci. Voilà. Supposons que Michel Coluche soit là et qu'il annonce très sérieusement, voilà, pour embaucher, nous allons licencier. La France entière se marrerait. Mais là, oui, c'est on vrai. Entend Hollande, c'est une excellente Valls, vanne, hein. Voilà, c'est à faire rire tout le monde, sauf visiblement le gouvernement de droite actuellement au pouvoir qui prend ça très au sérieux. C'est impossible. Ces gens sont des escrocs. Et bien donc, il faut se battre contre eux pour refonder finalement la République. Alors, vous vous reconnaissez encore dans le front de gauche ou pas, alors, avec le départ de Jean-Luc Mélenchon? J'ai été candidat au front de gauche pour témoigner de ce que je crois, tout simplement. Je n'étais pas adhérent du front de gauche. Ce que je crois, c'est que, justement, le problème, Jean-Luc Mélenchon, en vélo, on dirait, bon, il a voulu faire une échappée, mais il y a une chose qu'on dit, quand quelqu'un s'en va tout seul comme ça, le vent le ramènera. Eh bien, oui. En tout cas, le Parti communiste lui tend la main jusqu'à avoir une crampe, dit son porte-parole, M. Oui. D'Artignol. Mais parce que là aussi, il y a des combats internes, à mon avis, chez les communistes, entre les vieux de la vieille et l'égo, ceux qui... L'égo, c'est vraiment le beau mal du siècle. Je crois que c'est terrible. Oui, c'est terrible. Et peut-être qu'un peu de musique... Allons-y. Hein, pourrait adoucir tout cela. Qu'en pensez-vous, Gérard Mordilla? Vous êtes d'accord? Oh, mais moi, je suis pour la musique. Ah, mais oui. Moi, j'adore Mélenchon. Je trouve qu'un homme qui pleure, c'est déjà magnifique. Oui, alors, disons que s'il n'y avait pas Poutine et Chavez dans son programme, il y aurait des fous. Allez, parlez de musique, vous, plutôt. Deux géants de la musique. de son de destin. D'un côté, le cinquième Beatles, le compositeur, producteur et arrangeur George Martin, mort mardi dernier à Londres, à l'âge de 90 ans. De l'autre, le grand Jamaïcain Lee Perry, qui fêtera le 20 mars prochain, lui, ses 90 ans sur scène à Paris, au Cabaret Sauvage. Comme dans la série de Persuaders... Vous connaissez, c'est amicalement votre chenou. Ah oui. George Martin, c'est le gentleman érudit en costume chic qui construit son studio dans une église victorienne, dans un quartier londonien. Lee Perry, c'est l'autodidacte filou en short, pieds nus, père du reggae et du dub, dans son studio Le Black Ark, dans la banlieue de Kingston, en Jamaïque. Mais commençons par l'Angleterre. George... Yeah. Honneur aux décédés. George Martin passe 7 ans de 1962 à 1969 avec les Fab Four. Il vire la teigne Pete Best et le remplace par le gentil batteur Ringo Starr. Il pousse le groupe vers l'expérimentation, s'amuse à ralentir, à accélérer les bandes, pique des cordes au London Symphonic Orchestra, repousse les frontières du rock et de la pop. On lui doit notamment le psychédélique I Am The Walrus. C'est la bande originale du dessin animé Yellow Submarine. Après la séparation des Beatles, il reste copain avec Paul McCartney alors que Lennon partira avec Phil Spector. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est là que les histoires se croisent. Linda et Paul partent enregistrer en Jamaïque en 1977 dans le studio de Lee Perry, équivalent génial et jamaïcain de George Martin. Linda reprend là-bas notamment Mr. Sandman des Cordettes. Sandman, bring me a dream. Ah, et ouais. En 1980, Paul McCartney est arrêté à Tokyo en possession de marijuana. Et Lee Perry envoie un télégramme au gouvernement japonais pour le défendre. Oui, Perry est incontrôlable. Son surnom, c'est dit Upsetter, l'emmerdeur. La presse le qualifie aussi, on a changé, hein, c'est plus George Martin, hein, on est d'accord, on est en Jamaïque là. C'est Lee Perry. La presse le qualifie aussi de Salvador Dali jamaïcain dans son studio Le Black Ark. Lee Perry invente tout autant que George Martin. Il met de la réverb sur les batteries, il rajoute des échos, des bruitages, il pose les bases du sampling. Sinon, bon, il est un petit peu plus tordu, il fume beaucoup d'herbe, il boit beaucoup de rhum, il parle aux oiseaux et il est aussi obsédé par le sexe et les prostituées. Il faut aller au nightclub pour s'amuser et puis surtout pour avoir des poum-poum. D'accord. Ah, des poum-poum. C'est lui qui chante ? Ça concerne, oui, c'est lui qui chante. 92 ans, il a ce tableau ? Non, il n'a pas encore 90. Ah. Non, mais ça c'était, c'était il y a longtemps. Il était à fond dans le poum-poum. Ah. En 1983, donc, Lee Perry, exactement, c'est pas loin. En 1983, Lee Perry crame son studio. Il déclare « Black Ark, c'est trop sombre, ça veut me dévorer, je vais le brûler ». En 1990, il est sauvé de l'alcool par Mireille, une prostituée SM suisse. Ensemble, ils s'installent. Oui, je vous ai dit, c'est pas pareil que George Martin. Mais le SM suisse, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça doit être différent du SM français ou américain. Je vais te frapper. Attention ! C'est bon ça. Lèche mes bottes. Ensemble, ils s'installent sur les bords. Bon, je savais que ça vous plairait. C'est un personnage. Sur les bords du lac. J'ai rien senti. Faut y aller plus sec. Vous arrêtez maintenant. Concentrez. Ensemble, ils s'installent sur les bords du lac de Zurich, s'unissent avec la bénédiction de la secte Hare Krishna. Tout va bien, ils montent un nouveau studio et puis l'année dernière, badaboum, message sur Facebook. Bonjour mes fans, quelque chose de très triste vient de se produire, j'ai oublié d'éteindre une bougie et la totalité de mon laboratoire secret a brûlé. J'ai soufflé trop lentement. Toutes mes œuvres d'art, mes chapeaux, mes bottes, tout a cramé. Et résultat, par ces mots, Lee Scratch Perry annonce le jeudi 3 décembre 2015 qu'il a besoin d'argent et puis aussi qu'il va partir en tournée. Il fêtera ses 90 ans, je vous le disais, le 20 mars à Paris. Lee Scratch Perry. Experience, c'est Disco Devil, la proposition, c'est un classique, malhonnête, de Mélanie Bauer. Merci Mélanie. Et pendant que nous écoutions ce reggae, eh bien... Vous avez fait des blagues. Oui, et puis on peut annoncer aussi de bonnes nouvelles, c'est que Thomas VDB, le roi du jingle, est papa. Mais oui, ouais, on l'embrasse très fort. C'est le premier bébé annule tout. Ainsi que la maman, oui. On peut le dire parce qu'il l'a dit sur sa page Facebook. Voilà, c'est officiel. Donc vous pouvez l'inonder de messages de félicitations. Bah oui. Il endort son enfant avec des jingles, apparemment. Si j'ai tout compris. Gérard Mordillat est avec nous. Il publie Hamlet le vrai chez Grasset, où il explique comment il est tombé par le plus grand des hasards sur l'originel du texte de Hamlet, qui au départ est une pièce de Thomas Kyd, voilà, qu'il a très très fort nourri jusqu'à ce texte que vous publiez et que vous expliquiez. Oui, enfin, ce qui est surtout passionnant, c'est aussi de se dire que la langue de Shakespeare aujourd'hui nous est difficilement accessible. Parce que même lorsqu'on consulte les spécialistes, c'est un terrain totalement miné. Vous voyez, par exemple, je trouve merveilleux la scène qu'on joue aujourd'hui de façon très dramatique quand Hamlet renvoie Ophélie en lui disant « au couvent ». On joue ça de façon dramatique. Mais à l'époque, à mon sens, ça se jouait de façon non pas comique, mais ça faisait rire. Parce que de couvent, il n'y en avait plus. Les Tudor avaient supprimé tout ça. Et a nunnery, c'était effectivement un couvent, mais tout le monde savait que c'était surtout un bordel. Et que a nun, c'était une prostituée. D'ailleurs, un grand lecteur de Shakespeare, qui est William Faulkner, a écrit « Requiem pour une nonne ». Un roman dans lequel il n'y a pas de nonne, mais où il y a un bordel et une prostituée. Gérard Mordillat est avec nous et on parle théâtre et on parle... Tiens, il y a un comédien à côté de nous, Samir Boidi. Oui, bah oui, moi je suis un peu embêté parce que je voulais vous faire une chronique sportive parce que je sais c'est que Charline adore ça, vous adorez le foot. Oui. Mais en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire ma chronique sportive. En fait, je me suis fait avoir en fait ce matin. Je suis allé acheter les journaux chez mon kiosquier, Ali, que j'embrasse à Strasbourg-Saint-Denis. Et au moment où j'allais lui balancer une blague désopinante du style « Ali, tu sais pourquoi tous les kiosquiers s'appellent Ali ?» Alors j'avais préparé un jeu de mots oulipien, voire pataphysicien, pour faire plaisir à base de « Ali, Ili, Ali, Lalu, Alulu, Lala, je sais pas quoi ». Bah non, parce que je vois plus, mon regard est tombé sur une affiche promo de taille déraisonnable, qui est en fait la couve de l'Express Nouvelle Formule, avec Emmanuel Macron en photo. Et là, Charline... Le choc. Comme hypnotisé, je me noie dans le regard sombre d'Emmanuel Macron. Je suis les traits de son visage, je tente de décrypter les lignes, je m'attarde sur cette bouche droite, neutre, mais qui sourit. Je plonge à nouveau dans ce regard sévère, mais qui pardonne. Je prends conscience immédiatement que le visage d'Emmanuel Macron est le reflet fidèle d'une pensée multiple, quasi paradoxale pour le non-initié, qui fait se résoudre sans les réduire des équations complexes, des propositions divergentes. Alors, Alors, comme un ado qui achèterait sa première revue porno dans les années 80, hein, je prends un exemplaire de l'Express, je le fous sous ma veste et je me casse comme ça. Bon, je paie Ali avant, hein, qui attend toujours la chute de ma blague, et je rentre en courant chez moi lire l'interview du ministre seul. Je m'attarde à nouveau sur la couverture et là, je comprends Cyril Eldin, eh oui. Le Talleyrand du PAF, celui qui parle à l'oreille des politiques, celui qui sait si bien réduire la fonction en claquant la bise ou en tapant sur l'épaule, est en fait un homme de goût. Alors cette constatation, mes amis, me plonge dans un abîme de doute. Que n'ai-je compris avant ? Alors, pour sortir de cette torpeur, et surtout pour me réapproprier un peu de cet esprit critique hein, qui fait de nous des animaux dotés du droit de vote, j'ouvre l'Express et je dévore hein, l'interview phare. Alors tout y est, tout est dit, c'est pas la peine d'en parler, hein, vous n'avez qu'à le lire, c'est parfait. Il ressort de cette lecture ce que je pressentais à l'observation du portrait de la couverture. La pensée d'un homme intelligent, pour le con que je suis, est un labyrinthe dont on ressort uniquement si on a soigneusement évité d'y entrer, mes amis. Hein, le titre qui figure sur l'Express, nouvelle formule, sous le portrait, est à cet égard désolant, hein, d'éloquence, pour ne pas dire définissant la résolution. Macron, alors c'est écrit comme ça, deux points, ce que je veux pour 2017. Aïe, ce que je veux, mais je est un autre, hein, Aurélie Rimbaud. Et parfois, on se demande, hein, pour qui se prend, hein, ce monsieur Macron? Macron ou monsieur Macron? Emmanuel Macron se prend-il pour Emmanuel Macron? Ou ne serait-ce pas plutôt monsieur Macron qui se prend pour l'autre? Bref, complexe tout ça, complexe comme la pensée d'un homme de gauche qui pense que la gauche doit s'affranchir de la gauche pour devenir enfin la gauche. La gauche moderne, donc, mes amis, donc, mondialisée, hein, qui doit être compétitive sur le terrain des idées si elle ne veut pas devenir une gauche ringarde, fascinant, monsieur Macron, qui nous renvoie à nos paradoxes. Et c'est là sa force. Finalement, hein, il n'est pas plus de droite qu'un homme de droite qui serait de gauche, hein, c'est ça. Alors, cessons donc d'instruire le procès et pleurons, mes amis, sur le sort de Cyril Eldin, qui ne figure pas sur la liste des visiteurs du soir de Bercy, dévoilée dans ce numéro de l'Express. Non, là, on y croise Lucchini, le vrai, Houellebecq et quelques autres, des gens à l'intelligence proverbiale. Mais qu'est-ce que vous voulez, mes amis, qui se ressemblent? Ça semble. Samir Boisdi, oh, je vous vois trépigner, Gérard Mordillat. Oui, parce que Macron, moi, ça me fait toujours rêver, parce que dans l'histoire, Macron était l'homme liche de Caligula. Il a prostitué sa femme à Caligula. Ah la vache ! Il a aidé Caligula à exercer. Oh, il a, oh, mais lisez Suétone, c'est dans Suétone. Oui. Il a aidé Caligula à liquider Tibère. Et ensuite, évidemment, Caligula l'a fait exécuter. Mais arrêtez, vous donnez des idées. Donc à chaque fois que j'entends Macron, je vois sortir Suétone. Oui, c'est vrai. Mais lisez l'Express, nouvelle formule. On y apprend que Jean-Marie Le Pen écrit ses mémoires en s'aidant de son ex-femme parce qu'il ne se souvient plus de rien. Et c'est vrai. Moi, c'est formidable d'entendre Macron comme le personnage historique. Ah oui. Plutôt que. Oui, mais voilà, oui, ça y est, oui. Mais là risque d'effacer l'autre en ce moment, c'est ça qui est terrible. Alors, on va aborder avec vous le deuxième sujet, Gérard Bordillat. L'hebdomadaire Marianne nous rappelle cette semaine que nous perdons le contact humain avec le libraire, tiens, puisqu'on va chez Amazon. Le banquier, ça c'est à cause de la hotline. Avec le voyagiste, il y en a tant d'autres. Eh ben voilà le résultat. Alors bonjour, mais qui c'est? Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1. Ah ben non, je ne suis pas satisfaite. Si vous voulez recommencer, faites le 2. Le 2? Vous avez fait le 2. Hmm? Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1. Votre temps est écoulé. Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Mais là, je ne sais pas, là, qu'est-ce que je fais, mais je ne sais pas. Le 7? Vous avez fait le 9. Dites le nom de la personne à qui vous désirez parler. Becky. Vous avez dit Ludmilla. Entrez le nom au clavier téléphonique. Becky, B-E-C-K-Y. Vous avez appelé Waketeux. C'est un animal aquatique nocturne. Un extrait du feuilleton québécois, le cœur a ses raisons. C'est donc un article dans Marianne qui égrène les services avec lesquels nous avons perdu le contact. Et dans tout cet article qui fait 3 pages, il y a une astérisque en bas de page qui dit « À la sécurité sociale, dans la convention collective du personnel, il est prévu une prime de contact pour les agents en relation avec les usagers. » Parce qu'ils sont réputés pénibles. Alors, Gérard Mordillat, vous qui aimez retourner aux origines. Oui. Quel est votre rapport à cette perte de contact avec les gens? Mais c'est une chose atroce. C'est une chose atroce parce que moi, j'ai un très bon exemple. Avant, quand on était intermittent du spectacle, on pointait dans une agence acédique. Bon, on allait là. Alors, ça n'allait jamais, tout n'était pas bien. On faisait la queue, puis on voyait un conseiller. deux, trois ans plus tard, il n'y avait plus deux conseillers, il n'y avait plus que trois conseillers. Puis il y avait trois vigiles. Puis encore deux ans plus tard, il n'y avait plus trois vigiles, il y avait cinq vigiles, il n'y avait plus de conseillers, et il y avait un type qui disait « Vous pouvez téléphoner là, c'est gratuit ». Et ouais. Donc on avait ces voix horribles qui vous expliquaient que votre dossier n'était pas complet comme d'habitude, et vous ne saviez que faire. Donc c'est vraiment terrible ce contact-là. C'est vraiment une... Enfin moi ça me rend fou, je veux dire, genre de choses, ça me... je connais là la pulsion. Donc vous tâchez de l'entretenir. Je connais la pulsion meurtrière quand je tombe sur ça. Oui, oui, absolument. Alors c'est étonnant de penser qu'au moment où on perd les contacts, beaucoup de gens accueillent des inconnus, des étrangers chez eux avec Airbnb, etc. Marius Colucci, peut-être rapidement avant de votre chronique. Oui, c'est juste pour citer Jean-Michel Beignet qui parle de ça, qui parle du syndrome de la touche étoile, qui explique que du coup, on est obligé de se déshumaniser pour parler à une machine qui devrait normalement servir l'humain, mais finalement, on est obligé d'apprendre un vocabulaire débile pour que la machine nous comprenne, et donc on est obligé de devenir plus con que la machine, quoi. Marius Colucci, c'était l'échauffement. Et maintenant, on rentre dans le dur maintenant. Ah bah, très bien. Alors donc aujourd'hui, notre invité Gérard Mordillat, pour lui faire plaisir, je voudrais rendre hommage à la série de documentaires qu'il a fait avec son camarade Jérôme Prieur sur Jésus, les apôtres, les évangiles et même dernièrement Jésus dans l'islam, où je vous recommande ces reportages, enfin ces documentaires qui sont formidables. Vous retrouverez tous vos épisodes favoris, Jésus à l'étable, Jésus à la plage, Jésus au temple, Jésus sur la croix et bien sûr Jésus 2, le retour. Alors, j'avais envie de revenir sur la vie de Jésus et de vous parler de ce qui a priori est faux sur Jésus. Donc, je vous fais un petit rappel des points qui m'intéressent. Jésus est né le 25 décembre. Sa naissance a été accueillie par trois rois mages qui suivaient une étoile à l'est. Il a eu 12 disciples, mais quand ils étaient 13 à table, c'était le bordel. Et trois jours après sa mort, il est ressuscité. Bon, alors je reprends du début. Jésus est né le 25 décembre et les trois rois mages. Il se trouve que le 25 décembre, dans l'hémisphère nord, les trois étoiles de la ceinture d'Orion sont parfaitement alignées avec l'étoile Sirius, étoile que les navigateurs utilisaient pour trouver l'est. Et au matin du 25 décembre, les trois étoiles d'Orion alignées avec Sirius pointent exactement l'endroit où le soleil va se lever. D'ailleurs, chez les Égyptiens, Orion et Sirius étaient assimilés à Isis et Osiris et pointaient le 25 décembre la naissance de leur fils Horus qui représente la lumière du soleil, comme Jésus apporte la lumière de Dieu. Donc la naissance de Jésus le 25 décembre, c'est en fait un symbole astrologique. Ensuite, Il a raison. S'il dit une connerie, vous le coupez. Je peux me faire engueuler, ça me fera plaisir. J'adore le débat. C'est très, très surtout juste. Par Gérard, qui est un petit peu mon maître. Alors ensuite, les 12 disciples, c'est super, mais 13, ça craint. Il se trouve qu'avant l'agriculture de masse, qui représente chez nous le début de la civilisation, on suivait un calendrier lunaire. Donc beaucoup plus simple, dans lequel il y avait 13 mois de 28 jours, ça faisait 364 jours, plus un jour de fête hors calendrier, pour être complet. Mais depuis l'agriculture, dans la civilisation, on avait besoin de diviser l'année en 3 ou 4 saisons. Or 13, c'est un chiffre premier, on ne peut pas le diviser facilement. C'est pour ça qu'on est passé à un calendrier solilunaire, comme on a aujourd'hui, avec seulement 12 mois, parce que c'est plus facile à diviser. C'est pour ça que dans la Bible, quand on est 12, c'est bien, mais 13, c'est mal. D'ailleurs, dans les différents évangiles du Nouveau Testament, il n'y a que 3 énumérations des 12 disciples, et c'est jamais les 12 mêmes. Il y a toujours les plus connus qui ne changent pas, mais après, c'est plus flou. Parce qu'a priori, ils n'étaient pas du tout 12, ils étaient peut-être moins, ils étaient peut-être beaucoup plus, on ne sait pas. Enfin, Jésus est ressuscité au bout de 3 jours. Alors, on va revenir à l'astrologie. Comme vous le savez, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, le jour de l'année où le soleil se couche le plus tard. Non, tôt. Je l'ai bien écrit, je l'ai mal dit. Dans l'Antiquité, on considérait d'ailleurs cette date comme la mort du soleil, puisque c'est là où il apparaît le moins. Et donc, 3 jours plus tard, le 25 décembre, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, c'était la renaissance du soleil, Jésus ressuscité. Donc là encore, c'est un symbole astrologique. Finalement, la seule chose qui prouve exactement l'existence de Jésus, c'est la crucifixion, parce que ça, c'était tellement la honte d'avoir un messie crucifié à l'époque qu'il ne l'aurait pas inventé. Donc on pense, et les plus grands spécialistes que vous retrouverez dans le documentaire de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, sont d'accord sur ça, pour dire que Jésus a réellement existé. Quant à l'existence de Dieu, eh ben je laisse à chacun le soin de se faire une opinion. Moi, je me range sur l'avis de Pierre Dac. Si Dieu existe, qu'il le prouve, et sinon, mais qu'il l'admette. Marius Colucci, merci Marius. Alors, je voudrais juste conseiller à Marius un ouvrage que nous avons publié avec Jérôme Prieur, qui s'appelle « De la crucifixion, considérée comme un accident du travail ». Gérard Bordillat est avec nous jusqu'à 18h. Vous vous en êtes douté. Allez, on va aborder avec vous le dernier sujet. Sachez, Gérard Mordillat, que l'histoire entre aux Folies Bergères. Youhou ! Franck Ferrand, qui officie sur Europe 1 et France 3, monte sur les planches pour raconter les mystères de l'histoire. Vercingétorix aux Folies Bergères, mais qui nous Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. Et si on remettait Georgius dans la playlist France Inter, bah, oui. Programmateurs musicaux en régie me disent oui, allons-y. Alors c'est à lire aujourd'hui dans Le Figaro, le stand-up historique. Ou par exemple, vous avez Franck Ferrand ou Maxime Daboville, un ancien avocat devenu comédien, qui voit dans l'histoire de France un objet théâtral. Bon, comment le contredire, là, c'est vrai. Alors, Gérard Mordillat, de quel œil voyez-vous ça? Parce que, est-ce que c'est pas dans ce genre de choses l'anecdote qui prend le pas? Oh ben certainement, mais... certainement. Je veux dire, on raconte les belles histoires de l'histoire de France. Je pense ça, enfin, c'est sans doute un rapport assez lointain avec le travail historique. Bien mais sûr. Il y a des tas de choses formidables à raconter. Pourquoi moi... que la France ? Oui. Non, mais dans les choses formidables, j'espère qu'il raconte une chose que moi j'adore. Quand Louis XVI se marie, il a 16 ans, il pleut comme tout. Il se marie à Versailles avec Marie-Antoinette. Ils reviennent dans Paris en carrosse, il pleut toujours. C'est comme François Hollande, quoi. Voilà, exactement. Tous les élèves du collège Saint-Jacques sont au garde à vous pour attendre le passage du roi depuis des heures, donc ils sont trempés dans la boue, etc. Et puis le carrosse s'arrête et on fait sortir le premier de tous les élèves qu'on fait agenouiller dans la boue pour dire son compliment au roi. Et cet élève, c'est Maximilien Robespierre. Oh, mais non. Mais si. Marius, moi, je la connaissais deux fois. <trois. rire> Non, mais c'est merveilleux, mais ces histoires-là. Est-ce que, justement, c'est pas un bon marche-pied, vous raconter cette histoire-là, et puis quelqu'un va se dire, bah tiens, il faut que j'en sache plus sur Robespierre. Mais... parce que, moi, pour avoir vu Lucchini sur scène faire un peu la même chose avec la poésie, avec les grands textes, bah, le lendemain, on a envie d'acheter les livres, et enfin, pas tous, mais certains. Lucchini donc... aux Folies Bergères, tout de suite. Non, puis on peut raconter cette anecdote historique dans le cadre d'une thèse historique, et parler ensuite de Louis XVI, de changement de régime, de plein d'autres choses. Mais ce serait pas Drucker qui serait à l'origine du truc, il monte sur scène, il a connu Jésus, donc il y a peut-être... c'est une bonne idée. Alors, dans le Figaro, il y a une chercheuse historienne qui dit bah, c'est l'image figée et rassurante du passé qui est utilisée, évidemment, dans ces... Bah, c'était un peu comme dans l'ancienne version du magazine Tintin que je lisais quand j'étais enfant. Il y avait les belles histoires de l'oncle Paul. Bah, c'était la même chose. Bah, finalement, on apprend quelque chose quand même à travers ça. Je veux dire, il ne faut pas mépriser. Et on peut donner le goût et ça peut être une porte, une facilité pour une porte. Il ne faut pas attendre quelque chose. Non, ce qui est terrible, c'est plutôt à travers un certain nombre de choses qui ont été produites par la télévision, une réécriture de l'histoire. Ouais. Alors ça, c'est terrible. Ça, c'est... Les rois maudits, tout ça Non, pas les rois maudits, je pense pas à ça. Je pense à des trucs comme Apocalypse qui a été fait, etc. Ah, je veux dire, ça y est, la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Russes contre les Polonais et les Russes contre les Américains. On se dit, mais où on a vu ça? Je veux dire, bon. Et puis, il y a cette réécriture constante de l'histoire. Et ça, très critiquable. Mais ça, en stand-up, de raconter les belles histoires de l'histoire de France, comme ça on ne peut fait se mal les raconter, mais c'est très bien. Vous voulez pas faire un stand-up sur Jésus, par exemple? Il a pas dit non. Il y a plein de blagues. Et là, il peut faire « Hey, je sais pas si vous savez, mais Jésus il vient d'entrer dans ce studio. » Mais oui, c'est notre barde, il est là avec sa guitare. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Alors, hier se déroulait le concours de la police nationale, qui a enregistré un nombre record de candidats, à tel point que le concours de police devient plus sélectif que celui de médecine. C'est vrai. On peut imaginer qu'un jour, les toubibs seront tous des recalés de la police. Je suis allé au docteur, il m'a placé en garde à vue. On peut dire aller au docteur avec un gars même pas foutu. D'être reçu, quel baltringue au concours de la police. Il était con comme une seringue, il est devenu généraliste. Je suis allé au docteur parce que j'étais mal fichu. Je me croyais patient, erreur, je n'étais qu'un individu. Comme le type en fauteuil roulant que je croisais dans le vestibule devant le toubib exigeant les papiers du véhicule. C'était un toubib un peu sadique. Comprenez-le, il avait pas pu être flic. Je suis allé au docteur, il a fallu me menotter quand il a sorti son taser parce que j'avais la goutte au nez. Je suis un poil naïf peut-être, déjà que j'étais tout patraque. Ça m'a fait drôle le thermomètre qui avait tout l'air d'une matraque. Je suis allé au docteur qui rêvait d'être un poulet. Il avait tout bu d'ailleurs, l'alcool à 90 degrés. Voilà qu'en guise d'ordonnance, il me collait un PV. Voilà qu'en guise d'ambulance, une estafette m'embarquait. C'était un toubib un peu sadique. Comprenez-le, il avait pas pu être flic. Je suis allé au docteur en salle d'attente, quelle bousculade. Trois clampins à son compteur, 3000 selon les malades. Mais où va-t-on, je vous le demande, parce qu'on a seulement mauvaise mine. N'est-il pas surprenant d'entendre les mains en l'air, c'est la médecine. C'était un toubib un peu sadique. Comprenez-le, il avait pas pu être flic. C'était un toubib un peu sadique. Ah bah la société capitaliste. Merci beaucoup. Merci Frédéric Fromet. Frédéric Fromet du vendredi, c'est toujours un événement. Merci Frédéric. Et merci à Gérard Bordilla d'avoir passé cette heure avec nous. C'était passionnant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Hamlet le vrai, d'après une œuvre retrouvée de William Shakespeare, qui lui-même s'est inspiré de Thomas Kidd. Bravo. Paru chez Grasset. Eh ben écoutez, c'est déjà la fin. Mais alors qu'on aurait pu semaine, continuer, voilà. Mais oui, mais c'est chouette tous les jours. C'est chouette tous les jours. Aujourd'hui, Gérard Bordilla, c'était. On reviendra. Vous reviendrez lundi. Vous êtes d'accord? Formidable. Tiens, je rappelle qu'on peut voir Marius Colucci au Centre Idéal ce soir même, d'ailleurs, à 21h30. Voilà. Comme tous les vendredis. Alex Vizorek. Eh bien, la pépinière le dimanche et le mercredi à 19h. Oh là, dites donc. Et puis, il y a de la promo. Et puis, on a trop. Et puis, Samir, dans l'émission, bien sûr. Merci à tous. Merci, Gérard Bordilla. On se retrouve lundi, bien sûr, avec Mehdi Sedoun. Et puis, le mot de la fin, on le laisse à Jean-Luc Mélenchon. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, vous m'avez ouvert les yeux. Regarde plutôt la route.